Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu beaucoup de mentions, j'aime, beaucoup de commentaires et beaucoup de likes sur la dernière vidéo qui a été tournée aujourd'hui même. Je peux dire hier dans certains pays et puis demain dans d'autres pays aussi, vu tenu compte du fuseau horaire qui existe. Donc à cet effet, je vous remercie d'avoir participé, pour les gens qui ont participé au direct et puis pour les personnes qui ont regardé la vidéo après le tournage et puis qui ont laissé un commentaire qui m'ont soutenu dans la quête, qui ont fait des suggestions, qui ont donné des idées, qui en fait boosté en fait mon travail. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps et le plaisir d'écouter en fait les choses que je vous ai appris en fait et ce que je vous ai communiqué. Je sais que ma communication n'a pas été, je peux dire, aussi efficace parce que c'était le premier. Comme on le dit, le premier, c'est toujours un essai. Quand on essaie une première fois, ça ne marche pas. Une deuxième, troisième, on essaie de grandir et on grandit en fonction et au fur et à mesure de ce qu'on fait. On devient plus performant, c'est quelque chose de constructif, c'est la vie. La vie, c'est une construction. Si tu ne sais pas faire quelque chose, il faut apprendre. Et quand tu apprends, tu peux. On appelle ça les échelons en fait à franchir. C'est comme l'escalier, tu montes du premier, deuxième, troisième pour te retrouver au sommet et tu deviendras invincible à la fin. Et donc, sans plus tarder, on va s'attaquer aux questions du jour. Aujourd'hui, ça serait plus. Sur justement pas sur que la technologie seulement, c'est pas aussi, on parlera plus d'un sujet, de l'autre. On va essayer tout d'abord d'annoncer les changements qu'on a fait aujourd'hui pour le deuxième. Là, on va annoncer les différents titres à débattre avant même la prise de parole sur chaque sujet. Et on va débattre au minimum trois sujets, au maximum six sujets sur lesquels on va s'exprimer de façon coriace et de façon sensée, parce que comme on aime bien souvent le dire, c'est l'expérience et l'expérience ça perd et ça devient une question d'habitude. Si t'es pas habitué, ça va être difficile de le faire. Donc il faut être habitué aux caméras et tout, il faut savoir quoi dire. Il ne faut pas se tromper, il faut dire les bons mots, il faut éviter de faire des fautes. Donc c'est pas quelque chose de très facile pour tout le monde. Donc voilà, on va essayer de faire notre mieux pour corriger certains points. On sait que personne n'est parfait. Donc la perfection n'existe pas chez les humains, seul Dieu est parfait. Et nous sommes sur ce bas monde pour apprendre. Et quand on apprend, on peut. On naît, on grandit, on vieillit, et puis on meurt un jour ou l'autre. Ce sera le jugement dernier qui s'adviendra après. Donc sans plus tarder, on a changé de rhétorique, on a changé de vision, on a changé de méthode concernant la vidéo. Voilà. Maintenant, on se lance plutôt dans un cheminement de visionnaire, en fait. On appelle ça. L'œil du visionnaire, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le visionnaire, c'est, on parlera pas seulement que de la technologie, on va parler des passions, on va parler de la vie au quotidien, on va parler de l'actualité politique, on va parler de l'actualité économique, on va parler de la culture, on va parler de la culture, un domaine très vaste où on va parler de musique. On va parler d'art, on va parler d'écrivains, de romans, on va parler de festivals, on va parler On va parler de tout en fait, de sorties, de musique et tout. Donc c'est plus des sujets pertinents qu'on va discuter. Tout ce qui nous vient à l'esprit en fait, tout qui a été préparé. On va essayer de vous partager ça en direct. Et aussi vous aurez la chance de suivre la vidéo juste après. Donc n'hésitez pas, si vous avez des critiques et des suggestions à faire, n'hésitez pas de le mettre en bas. Et aussi, si vous avez des améliorations à proposer, vous pouvez aussi l'indiquer. Toutes les critiques et les suggestions sont les bienvenues. C'est quand on te critique que tu deviens plus fort, parce que une vie sans critique n'est pas une vie. Une vie critique, c'est cette vie qui est normale, parce que quand on te critique, ça te permet de t'améliorer, ça te permet d'être encore plus fort qu'avant. Les points d'ancrage sont corrigés à partir de ce moment et la différence est traitée. Donc, tes points vulnérables deviendront plus petits parce qu'on t'a critiqué. Les critiques sont bonnes. Les critiques ne sont pas que des facteurs négatifs, mais il y a du positif là-dedans. Dans la mesure où tu te permets d'apporter certain nombre de changements à tes manières. Car il est possible de changer son comportement sans changer ton âme et qui tu es vraiment. Ça, tu peux pas le changer, ton physique, mais tu peux changer ton comportement, ça c'est changeable. Tu peux changer ton idéologie, tu peux changer tes connaissances, tu peux changer un certain nombre de facteurs. Pour les facteurs que tu peux pas changer, tu devrais les accepter, car ça c'est inné en toi. Donc voilà, c'est ça. Et le premier sujet qu'on va débattre, on va parler de ce passé informatique. On va parler de deux grands hommes qui ont marqué le temps de la technologie, qui inspirent de nos jours les jeunes, les personnes. Les enfants qui inspirent aujourd'hui, toute personne qui se lance dans ce domaine se base forcément sur leur parcours ou forcément utilise au moins leur idée, car c'est pas seulement les personnes qui pratiquent le NTIC qui en profitent, mais c'est toute la population mondiale qui en profite, parce que dans la mesure où nous avons des smartphones, dans la mesure où nous avons des ordinateurs aujourd'hui connectés, nous avons des montres connectées, nous avons des maisons même connectées aujourd'hui. Nous avions une ascendance informatique très, très, très, très, très, très élevée en fait de nos jours. Donc, sans plus tarder, ça sera le premier sujet. On va parler de ce passé. Et ces deux hommes ne sont que, premièrement, de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, actuellement PDG, il est à la tête d'une fondation qui s'appelle, avec sa femme Melinda Gates, eux deux œuvrent pour sauver les populations qui souffrent de pauvreté dans le monde. L'autre personne n'est autre que Steve Jobs. Steve Jobs est le fondateur d'Apple. Il ne l'a pas fondé tout seul, car Apple est né dans un garage. Le papa de Steve Jobs, c'était un mécanicien qui travaillait chez lui. Et puis Steve Jobs, un jeune très ingénieux, qui avait un talent de créateur, a eu l'idée d'inventer cette marque de pommes. Où il y a une pomme qui est croquée, genre il y avait une première version de, parce que la forme de la pomme que vous voyez en ce moment n'était pas le premier en fait. Il y a eu chaque fois du design, avec le temps ils ont changé de design de trucs. Donc on va parler de Steve Jobs. Lui, il est décédé en 2009 déjà, il n'est plus de ce monde, mais il nous a laissé entre les mains des grandes œuvres qui vont se poursuivre dans de longues années encore, où l'humanité va profiter en fait de ses services et de son idéologie en fait. Car il dit dans une de ses publications que c'est pas de perdre toute une journée, 100 heures à faire une journée, mais si tu travailles avec l'esprit, c'est ce qui est plus important. Et deuxièmement, on va parler de l'iPhone. On va parler des deux dernières versions de l'iPhone qui sont encore sur le marché. On va parler de l'iPhone X et ses extensions et ses versions. On va parler de l'iPhone 8 Plus qui est juste venu, qui est l'apogée, on ne peut pas même dire l'apogée, on peut dire le déclin des iPhones avec touche, car les autres téléphones qui s'en viendront, il n'y aura pas de touche d'épaule là-dessus en fait. Donc ça aussi, on va vous parler des deux trucs. Troisièmement, on va vous parler d'une application sur le web qui vous permet de tourner, d'enregistrer des conférences en ligne. Vous avez juste besoin d'une connexion internet et l'adresse email de chaque participant peuvent participer en direct et en ligne à une conférence avec le micro possible. Et puis il y a la projection aussi qui est possible au cas où l'administrateur se permettrait de, s'il a des directives à donner aussi, vous pouvez vous partager des messages privés, vous pouvez vous partager des messages publics, des commentaires, et le micro est ouvert pour tout le monde au cas où l'administrateur le désactivait. Là, ce ne serait pas possible. Mais s'il active, vous pouvez poser vos questions en direct. Vous pouvez interagir en temps réel. Et c'est une application très basique d'utilisation. Car tout est fait en ligne. Vous n'avez pas besoin d'installer une application. Vous avez juste besoin d'un navigateur, que ce soit sur un ordinateur. N'importe quel appareil qui peut prendre en charge un navigateur peut te permettre de suivre et de participer aux vidéos, aux conférences qui vont se dérouler avec la web application. Donc, sans plus tarder, on va revenir sur notre premier sujet qui parle du passé de l'informatique, inspiré par la vie de deux personnes, de Bill Gates et de Steve Jobs. On sait que tous les deux, ce sont des gens qui se sont des fruits de MIT. Quand on parle de MIT, peut-être d'autres personnes l'entendent, MIT. Mais ils ne savent pas en fait où c'est quoi MIT. Ils entendent le nom peut-être dans les films, ils entendent ça, des personnes le dire, MIT. Ils entendent où se trouve cet MIT. MIT, c'est une grande école technologique qui se situe à New York. MIT, c'est après Harvard, MIT, on peut dire c'est l'école, c'est parce que le collège, on appelle ça le collège en anglais, l'université, c'est l'école supérieure qui a produit les plus grands ingénieurs informatiques par le passé, les plus grands designers que vous connaissez, les plus grandes personnalités de la technologie que vous connaissez, puis continue jusqu'à présent à produire de nombreux, parce que c'est une école vraiment qui a du potentiel, qui a produit des personnes en fait qui ont du potentiel. Parce qu'on sait que Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, il a fondé ce réseau, il n'avait même pas 6 ans, il était adolescent, qui est actuellement le réseau le plus populaire du monde, avec plus de 5 milliards de comptes créés. Puis l'extension ne fait qu'augmenter de jour en jour. Et puis déjà Facebook a acquis Instagram, qui l'appartient déjà. Il a WhatsApp, qui appartient à la société. Mais Snapchat n'appartient pas à Facebook. C'est tout un autre réseau qui appartient à une autre société. Qui, donc il y a totalement une différence. Et si nous prenons le... On parle de peut-être de Yahoo et autres. C'est, Yahoo, ils ont un accord avec Microsoft. Donc actuellement, les deux, on veut que Microsoft achète les droits d'action de Yahoo parce que Facebook a fait sa création. Facebook était en pleine évolution. Instagram est venu. Il n'avait pas une influence très très élevée, mais les jeunes, surtout la couche juvénile, ont commencé à aimer Instagram à cause des filtres. Parce qu'il y a des filtres qui changent en fait la réalité. Quand tu prends une photo naturelle, avec les filtres, tu peux te rendre plus beau, tu peux te rendre plus clair, tu peux changer. C'est ça les filtres en fait. Les selfies qu'on prend. Donc Instagram était un réseau social qui avait plus misé sur ça, sur les photos travaillées, les photos designées. Donc c'est quelque chose qui a attiré beaucoup l'attention des jeunes qui ont été dans l'obligation de céder à FB. Ils ont juste laissé les comptes FB pour peut-être des raisons personnelles, au cas où c'est peut-être pour des appels entre familles et autres, mais pour des publications et autres, ils sont tous basés sur Instagram, car la story et autres, il y a tout ça en fait qui sont là, qui c'est une application utilisée par tous les stars en fait de base, parce que c'est pas tous les stars qui utilisent Snapchat, c'est pas tous les stars qui utilisent Twitter, c'est pas tous les stars qui utilisent VK, c'est pas tous les stars qui utilisent Yahoo, c'est pas tous les stars qui utilisent Google Plus. Donc mais Instagram c'est l'application de base où la plus grande ampleur des stars sont présentes. Donc voilà. Si on revient sur Steve Jobs, Steve Jobs était une personne qui avait beaucoup d'affection pour la technologie. Dès l'enfance, il faisait des gros exploits en fait. Et au moment que lui grandissait, qu'il a fait sa petite enfance, la technologie, parce qu'on sait que la technologie en réalité est né après la Deuxième Guerre mondiale, c'était en 1945, c'est lié en fait au problème d'espionnage entre les États-Unis et l'Union soviétique d'alors, parce que la Russie n'existait pas, il n'y avait pas la République fédérale de la Russie qui existait en ce moment, mais c'était l'Union soviétique qui regroupe, qui était un groupement, une vision, c'était quelque chose qui était l'ensemble des pays communistes, ces pays communistes là qui sont réunis en Union soviétique et qui étaient en guerre froide en fait contre l'Amérique. Donc l'internet est né de ce petit conflit d'espionnage entre les deux pays et où est né et tout ce qui s'ensuit, on va pas rentrer parce que c'est pas l'heure du jour, je vais pas rentrer dans les détails concernant ça, je vais juste parler du sujet qui nous intéresse. Donc Steve Jobs, c'était un petit génie. Dès son jeune âge, il avait beaucoup d'idées en fait à créer des choses. Il a commencé ses études en informatique dans un collège, je vais vous parler d'MIT, où un jour il y avait Bill Gates, il y avait Steve Jobs lui-même, il y a eu une panne. Parce que avant, nous savons que le premier ordinateur, j'ai oublié le nom de l'ordi, je le retiens pas, mais c'était un ordinateur qui pouvait remplir toute une salle. Informatique, tout était mécanique sur l'ordi et ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et puis aussi, ça consommait beaucoup d'énergie. L'ENIAC, on appelle l'ENIAC, je me rappelle maintenant, les premiers ordinateurs, c'est l'ENIAC. Donc, pour faire fonctionner un ordinateur, ça prenait assez de temps. C'était tellement mécanique. Et il fallait que plusieurs personnes viennent, en fait, viennent participer pour l'utilisation pour les impressions et autres. C'était à peu près, c'était pas quelque chose d'autonome. Donc, il y avait assez de panne pendant de monde. Et les deux ingénieurs, ils trouvaient toujours des petites solutions en fait au développement de celle-ci. Car Steve Jobs travaillait avec un ami dans son garage, dans le garage de son père, où il a eu l'idée de créer Apple, la société qui produit le Mac, qui produit l'iPhone, qui produit l'iPod, les watch, les iPhone watch, les montres connectées que je veux dire. Et puis aussi actuellement ils ont inventé Alexa. Alexa qui est un assistant vocal. Comme vous connaissez un assistant vocal, c'est un appareil avec qui on peut interagir vocalement, c'est-à-dire on peut demander l'appareil comme Siri par exemple, c'est un assistant vocal pour les iPhones. Et Alexa, c'est un assistant vocal pour la maison. Donc Alexa fonctionne sur la voix. On peut lui demander les actualités. On peut lui demander de jouer la musique, de dire la météo. Car de nos jours, on n'a pas besoin de juste taper chaque fois les choses au clavier pour savoir les choses basiques. Et Alexa peut être utilisé également pour connecter la maison, c'est-à-dire fermer les portes, ouvrir les portes. C'est un assistant vocal très ingénieux qui n'est pas seulement avec l'Apple. Il y a pour Google Home, on entend souvent parler de Google Home aussi, qui appartient à Google, une autre société. Il y a d'autres assistants vocaux qui existent sur le marché. Mais celui d'Apple s'appelle Alexa. Et Bill Gates, quant à lui, c'est aussi un informaticien, une personne très ingénieuse, un grand réalisateur, une personne vraiment lucide sur le plan des études, car lui, c'est lui qui a créé Microsoft Windows, car il y a eu beaucoup de systèmes d'exploitation. Nous pouvions parler on parle d'Unix. Unix, c'est un système d'exploitation. C'est l'un des premiers systèmes d'exploitation. Et puis est venu le Mac. C'est le Macintosh qui a permis. C'est parce que c'est le Macintosh qui ont créé les premiers ordinateurs graphiques. Il y avait des ordinateurs parce que plus les années avançaient, plus on diminuait la taille de l'ordinateur. Parce que l'ENIAC, on pouvait dire, ça pouvait prendre presque une maison pour son fonctionnement, les premiers ordinateurs. Les traitements n'étaient pas automatiques. Au fur et à mesure des années, il y a eu des changements car c'est le transistor. Le transistor joue un rôle très important en ce qui concerne le design de l'ordinateur physique. Je ne parle pas du hardware, je parle du hardware. Mais on sait que le soft, c'est ce qu'on peut voir, c'est les logiciels, et le système d'exploitation. Mais quand on parle du hardware, on parle de pilote, on parle de transistor, on parle de RAM, on parle de disque dur, on parle de mémoire morte, on parle de mémoire vive, on parle d'upset, on parle de transistor, on parle de silicone, on parle de carte graphique, on parle de carte mère, on parle de beaucoup de trucs en fait qui sont importants, qui sont essentiels en fait dans le fonctionnement de tout appareil, de tout un ordinateur. Car par définition, on peut dire qu'un ordinateur est un appareil qui permet le traitement automatique des informations et des données reçues en fait. Donc tout appareil qui peut faire ça, qui peut faire cette tâche est appelé ordinateur. Et un ordinateur, c'est un appareil qui ne peut fonctionner que si elle a en elle quelque chose qui permet de le situer, de l'organiser, de lui dire quoi faire, parce qu'il faut un système d'exploitation. Quand l'ENIAC a été créé, l'ENIAC, il fallait qu'il y ait des personnes pour chaque tâche. Si c'est pour imprimer, il faut qu'il y ait des personnes. Maintenant, au fur du temps, au fur de l'amélioration du transistor, de la réduction de la taille du transistor, il y a eu la diminution de la taille de l'ordinateur qui devenait de plus en plus autonome, ou les mini-ordinateurs de nos jours qui ont vu naissance. Mais avant, on savait que l'ordinateur, il n'y avait pas d'interface graphique, il n'y avait que l'interface console, là où on pouvait, il n'y avait pas les caractères accentués. Et on sait de nos jours que l'interface console existe parce que sur l'ordinateur, nous avions, si nous prenons Windows, le système d'exploitation Windows de Microsoft, nous avions l'invite de commande dans lequel on peut préparer beaucoup de trucs en fait. On peut préparer assez de trucs là-dedans. Et si nous prenons aussi Linux, un système d'exploitation très performant, mais aussi l'avantage de Linux, c'est que c'est open source. C'est open source dans la mesure où tout le monde peut l'utiliser partout. Et puis aussi, c'est totalement gratuit. Linux est totalement gratuit. Et puis, c'est un système d'exploitation très puissant qui est pour tout le monde, pour les informatiques, mais assez compliqué. Car beaucoup de personnes disent que c'est un système d'exploitation compliqué. Et la mascotte de représentation, c'est le pingouin qui est la mascotte de Linux. Donc, si vous voyez le pingouin sur un système d'exploitation, c'est Linux en fait. Donc, Linux a plus de 8 interfaces console, tandis que Windows en a qu'une seule. Et puis, c'est plus adapté à ce niveau pour tout ce qui est console, tout ce qui est partie console. Car Linux a été fondé sur le noyau de Unix. Car Linux est né juste après, c'était celui qui a créé Linux, lui a donné lui-même son nom en fait, parce qu'il travaillait, c'était l'un des fondateurs d'Unix. Car le noyau, car chaque système d'exploitation a un noyau sur lequel est inclus toutes les fonctions de base de l'ordi. Donc toutes les fonctions de base sont incluses sur le noyau et chaque système d'exploitation a un file system. File system, c'est le système de fichiers. Parce que ce système de fichiers, c'est quelque chose qui est en arborescence. Nous avions un arbre auquel nous avions, si nous prenons, on parlera de la mémoire vive. Cette mémoire vive n'est autre que le disque dur elle-même, car sur ça, on peut faire des partitions, et ces partitions, il faut une arborescence car il y aura des fichiers, des sous-fichiers. Donc, l'arborescence peut aller de niveau en niveau. Donc, dans le système, si on peut faire des arborescences, il y a un système de fichiers qui naît automatiquement à ça. Donc, c'est l'un des facteurs qui sont importants. Et puis, dans un système d'exploitation aussi, il y a les logiciels. Et les logiciels, ce sont des programmes informatiques qui permettent de résoudre des problèmes. Si nous prenons Microsoft Word, c'est un logiciel. Mais quel type de logiciel? Un logiciel de traitement de texte. Si tu as besoin de traiter, d'écrire, d'éditer, d'écrire un texte, tu te sers de cette application. Donc, ça t'a permis de résoudre ton problème. Parce que toi, ton problème, c'est quoi? C'est d'écrire quelque chose, de l'imprimer pour que ça serve à une autre chose. Et qu'est-ce que tu as fait? Avant d'écrire, tu as introduit dans l'ordinateur des données. Mais ces données-là sont traitées comment? L'ordinateur, lui, ne comprend que le système binaire et le système hexadécimal, c'est-à-dire 0 et 1. Donc, il y a une traduction automatique qui se fait parce que toi, tu tapes la lettre A au clavier. L'ordinateur ne comprend jamais que tu as tapé la lettre A. L'ordinateur, lui, il comprend que 0 et 1. Tout ce que tu dois mettre doit être 0 et 1. Donc, il y a une traduction automatique qui se place car c'est ces différents aspects qui la communication entre homme-machine qui se passe. Car l'ordinateur, lui, ne comprend que le système binaire dans toute sa largeur et toute sa grandeur. Donc, voilà ce qui concerne les logiciels. Et chaque système d'exploitation a de multiples logiciels qui fonctionnent. Et ça permet de fonctionner les hardware. Les hardware, j'ai déjà parlé, je ne vais pas revenir. Mais quand je parle de hardware, c'est tout ce qui est physique, tout ce qu'on peut voir physiquement. Et retenez aussi qu'il y a deux interfaces. J'ai déjà parlé, j'ai déjà abordé. J'ai beaucoup dit sur l'interface console, car c'est le passé des ordinateurs et de l'informatique et des systèmes d'exploitation. Nous avons l'interface graphique, dont le Mac a été le premier à lancer une interface, une application, un système d'exploitation avec une interface graphique. Et après, ça en est suivi de Microsoft. Qui a lancé aussi l'interface graphique. L'interface graphique, c'est là où on voit les images, les photos, tout ce qui est plus fond, tout ce qui est plus beau, c'est l'interface graphique qui est plus utilisée de nos jours par les personnes. Et l'interface console est actuellement réservée qu'aux personnes du code, qu'aux informaticiens et aux autres. Personnes qui ont des connaissances plus poussées dans le domaine. Car eux, c'est une zone de commande en fait, où il faut lancer une commande et attendre. Et pourtant, c'est ça le vrai passé de l'ordinateur. Donc, les deux, Steve Jobs et Bill Gates, malgré leur ingéniosité, je suis revenu déjà sur. J'ai parlé du passé de Microsoft. J'ai parlé de passer de système d'exploitation qui est Microsoft Windows et je suis revenu un peu. J'ai même eu le temps de parler de Linux. J'ai parlé du fonctionnement total de l'appareil et les deux étaient des amis. Avec ils étaient amis, ils parlaient, ils ont discuté pour mettre en place beaucoup de choses. Donc voilà, il y a eu à une époque une trahison entre les deux. Les deux avaient prévu ensemble de faire sortir Windows. Car Windows, la version bêta, est sortie dans les années 1996-95. Et Bill Gates n'a pas su atteindre le feu vert de Steve Jobs parce qu'ils avaient fait les petites discussions à deux, ils avaient fait des suggestions à deux. Il a profité pour publier ce système d'exploitation avant même que Steve Jobs ne le donne l'ordre. Et ça a été une frustration pour Steve Jobs. Et il l'a dit, il a exprimé qu'il a été déçu de la trahison de Bill Gates, qui n'a pas attendu pour publier et mettre sur le marché une dose qui a été très très très très très sollicitée et achetée par les clients à travers le monde, car c'est le passé, c'est l'un des passés de l'interface graphique dans le monde, et où il y a eu plusieurs versions. Nous avons Windows 98, Windows 97, Windows 2000, Windows 2003. Nous avons aussi Windows XP, Windows XP professionnel. Nous avions Windows 7. Windows 7, c'est Windows Vista, appelé autrement Windows Vista professionnel, Windows 8.1 et Windows 8.2, car Windows 8, il y avait deux extensions. Mais maintenant, c'est à partir de Windows 8, Windows 8.1 et 8.2, ils ont commencé la commercialisation avec une clé d'API, car le système d'exploitation, il fallait que tu payes de l'argent pour souscrire, pour l'acheter. Et après quelques années, ils ont lancé Windows 10, je crois en 2015. Windows 10 est sorti. Il y a donc Windows 10 professionnel, 64 bits. Nous avons Windows 10 familial, et puis avec plusieurs extensions en fait. C'est la dernière version du système d'exploitation créé par Google en ce moment. Donc voilà, c'est l'un des aspects les plus vus de la technologie en ce moment. Et puis à son tour, Steve Jobs, une personne que je respecte beaucoup, qui a beaucoup apporté, donc il a profité, lui aussi, il a mis en place son système d'exploitation, le Macintosh. Mac sur les ordinateurs d'Apple, car Apple a son propre système d'exploitation sur son ordinateur. Et Windows Phone dont Nokia a été une société achetée, parce que Nokia a été une société à part, mais elle a été rachetée au 21e siècle, dans les années 2009-2008, par Microsoft, qui l'utilise pour introduire son système d'exploitation Windows Phone. Un téléphone qui n'est pas trop fréquent dans le monde, mais qui existe malheureusement. Ils ont profité de le mettre là-dedans en fait. Donc ils ont racheté la société de Nokia, qui produit les Nokia Lumia 360, les Windows Phone en général. Et sur l'autre aspect, on va revenir sur, comme on l'a dit, qu'on va parler d'iPhone. On va revenir sur Steve Jobs. J'ai parlé de Bill Gates, de son courage. On reviendra un jour sur tout ce qui concerne Bill Gates. On va faire sa biographie, on va parler de sa biographie, Steve Jobs aussi, pour vous inspirer, car c'est des personnes qui ont beaucoup apporté. C'est des personnes, comme je le disais, qui sont dotées d'une connaissance vraiment sempiternelle et d'une grande importance qu'il ne peut l'être. Donc, il n'y a aucune autre mesure vicieuse à envisager. Et il y a que de l'aspect positif qu'on peut laisser. On peut retenir que l'aspect positif d'Apple, car aujourd'hui Apple est la société qui est la plus riche de toutes les sociétés qui de vente de téléphones, parce qu'ils ont plus de 3 milliards de dollars américains en bourse. Plus aucune société dans le monde n'a réalisé autant de capitalisation dans le marché de bourse à part Apple. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est pas seulement grâce à son système d'exploitation qui se trouve sur l'ordinateur Macintosh ou c'est les autres appareils qu'il fabrique, mais c'est lié à quoi? c'est lié à son téléphone célèbre, à son téléphone populaire, mais qui est très cher, très très cher en matière de prix, mais quand même elle est achetée parce que les gens préfèrent son design, il trouve joli à cause aussi de sa sécurité contre les virus, mais aussi à cause de son appareil photo qui est beaucoup travaillé et tout. Donc c'est à cause de ces différents aspects là que les gens ont misé malgré l'ampleur des prix de l'appareil. Ils ont jugé nécessaire de l'acheter à cause de ça, pour la célébrité en homme, mais aussi pour la sécurité dont je vous parle. Et l'invulnérabilité dont je vous parle. Et si on le dit, il faut l'assumer. Quand Steve Jobs créait, il ne savait pas, quand il a mis en place sa société, qui a fait aussi des exploits, il ne savait pas que la vie, c'est un court moment en fait. On est tous là pour une petite période et on va tous finir par mourir, quel qu'en soit. Donc, c'est une courte période, on ne saura jamais quand on va mourir. Donc, pendant cette terre, pendant ta courte session sur cette terre, il faut profiter. Il faut poser des bonnes actions. Il faut poser des bonnes actions avant que, parce que ton dernier jour, tu ne le sauras jamais. Jamais tu ne sauras quand est-ce que tu vas mourir. Ça peut parvenir à n'importe quel moment de la journée, et à n'importe quel jour. C'est quelque chose dont on s'attend, qu'on s'attend ou on ne s'attend pas, tu vas mourir. Tout le monde le sait. Et Steve Jobs, malgré sa richesse, malgré toute son ingéniosité, nous a quittés en 2009. Peut-être, si je pense, c'était, il avait lancé que 3 iPhones. L'iPhone, c'était l'iPhone 6. Il avait juste lancé l'iPhone 6 avant son décès, en 2009. Donc, et actuellement, à la tête de la société, c'est Tim Cook, qui est le PDG actuel de la société, qui siège dans le siège au parc, j'ai oublié le nom du siège d'épaule, mais ça ressemble en fait à un stade de football, car c'est tout en rond, et puis ça, j'ai oublié le nom, ça se trouve à la Silicon Valley. Je sais pas si vous connaissez la Silicon Valley, qui est appelée la vallée du silicium, où siège en fait presque toutes les grandes sociétés comme Google, eBay et aussi les universités en fait. C'est presque, on dit que c'est la ville technologique du monde. Car il y a, en termes d'immigration, il y a les Chinois et autres qui viennent là-bas juste pour étudier, mais aussi pour travailler, car il y a beaucoup de personnes étrangères qui sont là, les Israélites. Ils sont là parce que c'est des grands ingénieurs, les Israélites. Les Juifs, c'est des personnes vraiment très intelligentes qui travaillent là-bas aussi. Mais il y a les Chinois, les Japonais aussi. C'est des grands amateurs de la technologie qui sont à la Silicon Valley. Et c'est l'un des aspects en fait. Donc voilà. L'iPhone, le premier iPhone a été lancé en 2005. C'est le premier téléphone avec une interface graphique qui est apparue. C'est le premier smartphone, l'iPhone. Ça, vous ne devriez pas l'oublier. C'est vraiment quelque chose qui a séduit les gens. Depuis son lancement avec sa touche, il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités, mais sa première version a été très achetée et puis ça satisfait le public. Malgré la cherté du prix et tant d'autres aspects, mais ça séduit le public. Mais c'est à la même année qu'il a lancé le premier AirPod. Vous connaissez l'AirPod parce que d'autres n'ont pas connu le temps des baladeurs, le temps des Walkman, Walkman de Sony. Et c'est, les AirPods, c'est l'un des premiers appareils pour, pour écouter la musique. C'est pas tout le monde qui l'a connu, mais c'est l'un des premiers appareils qui permettait l'écoute de la musique en général. Ils ont lancé l'iPod 1, la version bêta. L'iPhone aussi a commencé à vendre son deuxième. Deux ans plus tard, il y a eu l'iPhone 5, 5C, 5X. Et il y a eu des petites inventions, des petites extensions qui sortaient toujours en fonction. Parce que ça, c'était plus basé sur une question de taille, de design et tout. Et puis est venu l'iPhone 6 avec beaucoup de fonctionnalités, c'est-à-dire la résistance à l'eau. Parce que je pense que l'iPhone 6 est sorti en 2013. L'iPhone 6 est sorti à cause de tous ces aspects-là. Maintenant, l'iPhone 7 et 7 Plus, car l'iPhone 7 c'est un téléphone normal, mais tout ce qui est plus, ce sont des téléphones plus grands, en fait plus grandes de taille. C'est la différence. Et aussi ça peut être juste au niveau de la taille du téléphone, de non, c'est juste ça la différence. Et aussi de la capacité de la mémoire qui compte aussi. Et l'iPhone 8 Plus est né, parce que l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X sont sortis en même temps. C'est en 2018, en 2000, non en 2000, en 2017. C'était pour célébrer les 10 ans d'Apple. Les 10 ans de l'iPhone, pas d'Apple seulement, parce que l'Apple est né depuis 1900, mais de l'Apple, de l'iPhone d'Apple. C'est pour ça qu'on a dit, avant de dire l'iPhone 10, ils ont essayé de dire l'iPhone X, parce que c'est la dernière lettre de 10. Et c'est 8, 8 plus. C'est comme si on disait 8 et 9, et l'iPhone X, c'était le 10e iPhone, la 10e version qui est l'iPhone X, qui représentait les 10 années de succès du smartphone. L'iPhone 8 Plus a été très vendu, comme je dis, j'en ai parlé de lui. Il a un appareil photo. C'était la première fois que l'iPhone misait sur deux appareils photo côte à côte sur la caméra extérieure pour plus de visibilité, plus de traitement et moins de virtualisation. C'est un appareil vraiment qui donne des photos vraiment haut de gamme, de qualité, plus que les autres iPhone antérieurs. Et puis la caméra de devant, il a corrigé beaucoup de bugs, et vraiment c'est quelque chose qui a été fait avec ingéniosité. Le son aussi. Mais justement, ce qui est important dans tout ça, c'est ce qui fait la différence entre l'iPhone 8 Plus et les autres iPhones qui sont sortis antérieurement. C'est même au niveau de l'assistant vocal, il y a la différence. Et aussi au niveau des mises à jour, l'iPhone 8 Plus est basé sur plus sur les autres iPhones qui sont sortis après, comme l'iPhone X, à travers les mises à jour. Car on peut utiliser, avec l'iPhone 8 Plus, on peut utiliser presque l'ensemble des outils qui sont sur l'iPhone X qui est sorti après, que dont je vais parler tout à l'heure. Mais justement, il y a une différence entre les deux dont je vais aborder tout à l'heure, qui sera mon dernier point de la journée. Je suis vraiment pris par le temps, ça me reste juste 10 minutes pour terminer cette vidéo. Donc l'iPhone X, quant à elle, c'est vraiment un iPhone aussi qui a beaucoup marché, ça a été beaucoup commercialisé. Mais c'était la première fois que l'iPhone X apparaît. Parce que tout ça, l'iPhone X est sorti aussi en 2017. En fin 2017. Autant que l'iPhone 8 Plus, ils ont tous fêté les 10 ans de l'épaule en fait, en général. Donc, l'iPhone X, c'est un appareil vraiment performant qui est venu avec beaucoup de fonctionnalités, avec beaucoup d'extensions qui n'étaient pas sur les autres iPhones. Donc, c'est vraiment un téléphone complet, que ce soit au niveau son, que ce soit au niveau caméra, que ce soit au niveau sécurité, où pour la première fois, ils ont mis en place la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale pour déverrouiller l'iPhone. Donc, c'était pas encore développé sur beaucoup de smartphones, mais Apple a misé en fait beaucoup sur ça. Car toutes les personnes qui disposent d'un iPhone X, s'ils veulent le protéger, n'ont pas besoin d'utiliser l'empreinte, mais ils utilisent plutôt la reconnaissance faciale pour déverrouiller. Donc, ça a plus de sécurité. Une personne mal intentionnée ne peut pas venir toucher ton téléphone et mettre ton mot de passe. Il faut juste que toi tu présentes ton visage. Et il y a des algorithmes qui reconnaissent chaque visage enregistré quand sur ta photo. Et si ta photo qui apparaît, c'est il y a une reconnaissance faciale qui reconnaît directement que c'est toi. Car ça capte certains niveaux. C'est de l'intelligence artificielle. Ce qui montre que 10 ans après, les 10 ans d'iPhone, c'est il y a plus d'intelligence artificielle qui est mis en jeu. Et l'iPhone X aussi, il y a eu des extensions. Ça s'est pas limité seulement à la première version. C'est un téléphone qui est un peu petit, qui a un design parfait, mais il n'y a pas de touche Mac. Et l'iPhone X, ça a été commercialisé, vendu, mais ils ont jugé nécessaire, après 2017, en 2018, de faire sortir l'iPhone XR. L'iPhone XR, c'est quoi? L'iPhone XR, c'est un appareil. Ils ont fait des changements. D'abord, l'iPhone X, la différence avec l'iPhone 8 Plus, c'est que, n'eût été les touches, il y a aussi la caméra. La caméra était horizontale pour toutes les autres versions d'iPhone. Mais avec l'iPhone X, c'est avec toujours deux caméras. Mais l'iPhone X, la caméra se trouve de façon horizontale et au milieu des deux caméras se trouve le flash. Tandis que l'autre, le flash se trouve à droite, séparé des deux caméras extérieures qui sont derrière. L'iPhone XR, lui, n'a pas deux caméras, ça. Une seule caméra avec un flash, mais la différence est qu'avec l'iPhone XR, on peut utiliser une puce, deux puces, si on veut. Donc c'est la première fois aussi que l'iPhone commercialise un appareil qui peut utiliser deux puces. Et l'XR, c'est aussi plus performant que l'iPhone X. C'est l'extension. Ils ont corrigé certaines erreurs qui se trouvent sur l'iPhone X lui-même. Et puis, il y a eu X Max. Après, ils ont mis en place l'iPhone X Max. Et XR aussi qu'ils ont sorti. C'est les iPhone XR, X Max. Eux, quant à eux, il y a eu. Car de nos jours, il y a les iPhones qui ont presque la même taille que 8 Plus. Des grands iPhones, mais des grands iPhone X, mais avec la même taille que l'iPhone 8 Plus. Car les autres iPhones X n'ont pas une grande taille. C'est une taille vraiment réduite et tout, avec un design parfait, comme on aime bien souvent le dire. Un design parfait, mais avec l'iPhone X Max, là, il y a un peu de différence et tout. Et c'est à peu près tout, ce sont ces différents appareils que Apple nous a fournis pour fêter ces 10 années de succès. ces 10 années de suprématie dans le monde du smartphone, 10 années de richesse, 10 années de connaissances, 10 années de recherche, 10 années d'intense travail, 10 années d'amélioration et puis 10 années de fabrication d'appareils. Et vraiment, ce sont des caractéristiques vraiment qui ont marqué l'attention de tout un chacun. Car même tout le monde, on sait que les gens rêvent d'avoir un iPhone, mais ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de partager cette expérience avec les nouveaux appareils d'iPhone. C'est quelques-uns seulement qui ont eu l'occasion. Moi, personnellement, j'utilise un iPhone 8 Plus. Je n'ai pas eu l'expérience d'utiliser l'iPhone X et XS, X-Max. Tout ce que je dis, c'est basé sur peut-être les petites interactions que j'ai avec l'appareil, sur les blogs que j'ai lus, sur les actualités que j'ai reçues, sur les documentaires que j'ai suivis. C'est ici qui m'ont permis de m'exprimer correctement aujourd'hui sur ce sujet. Donc voilà, là, ça ne nous reste plus que 4 minutes. Donc voilà, ce que je vais vous dire, c'est que la vidéo prend fin ici. Normalement, il y avait d'autres sujets à débattre, mais on ne peut pas débattre tous les sujets car on est pris par le temps. Il me reste juste 4 minutes avant la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre en bas les commentaires, que ce soit négatif, positif, tout est la bienvenue chez moi. Car les critiques te permettent de grandir, te permettent de corriger tes erreurs. Donc n'hésitez pas, soyez franc envers vous-même. Ne donnez pas des commentaires pour m'apprécier si vous ne m'appréciez pas. Soyez franc envers vous-même, dites ce que vous pensez et écoutez votre cœur et dites directement, vous n'avez pas besoin de me faire plaisir seulement. Ce que vous pouvez pour me faire plaisir, vous devez me lâcher beaucoup de likes et partager au maximum sur votre cercle de... sur votre cercle de contrôle en fait. C'est pas une obligation mais c'est une demande pour qu'on puisse tourner prochainement des vidéos qui auront plus d'ampleur et plus de potentialité. Donc voilà, on se limite là. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé, d'avoir pris votre temps de m'écouter, d'écouter ce que j'ai dit, d'écouter les connaissances que j'ai apportées, d'écouter les idées, mes idées concernant tout ce dont j'ai parlé. Et voilà, on a fait plus d'une heure, on est en train de parler. Je peux dire à peu près, tout le monde a une idée sur comment ces deux personnalités vivaient. Et comment ils ont mis en place deux firmes technologiques qui sont au sommet du monde actuellement. Et voilà, on a parlé des iPhones, de l'iPhone X, l'iPhone X Max, nous avons parlé de l'iPhone 8 Plus. Donc, on se retrouve à la prochaine séance où je vous promets une surprise. Je vais parler de quelque chose qui intéresse tout le monde en ce moment. Mais voilà, comme on aime bien souvent le dire, que pour contrôler la vie, il faut contrôler le temps et avoir la patience. Je vous demande la patience. On va tourner la prochaine vidéo, s'il plaît à Dieu. Soit dans cette semaine, ça c'est une assurance, mais le jour n'est pas encore, c'est dans la probabilité, mais sûrement ça sera jeudi prochain. On va tourner la suite. Cette vidéo, on va la terminer et puis on va ajouter deux sujets. Donc n'hésitez pas, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à faire des suggestions sur les prochains sujets à débattre. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous remercie. C'était Cissé Salio qui était à vos côtés aujourd'hui pour vous partager ses connaissances, ses visions sur le monde de la technologie et sur le monde en général. Donc, on se retrouve le jeudi prochain à la même heure sur la même page. Je vous remercie.